Exercice 7, page 168, Virelangue. Trouve un trèfle à quatre feuilles. Trouve un trèfle à quatre feuilles. Trouve un trèfle à quatre feuilles.